Son matin, voyage en tes rêves, loin du bruit, loin des galères, vitesse limite, au soleil, sous les palmiers. Ce matin, fugant le dommage, chante, cadence et oublie le, mets du champagne dans ton moteur. Flashback débile, l'enfer débile, flashback débile, l'enfer débile. Ce matin, les facteurs s'envolent, et les croque-morts, qu'est-ce qu'on idole. Attention, danger, les vieilles dames vont tout casser. Mais sous leur masque, les ennemis te guettent. Mets ton casque, elle est finie la fête. Ce matin, j'ai sorti mes paillettes, mes pétards et mes allumettes. Range-moi tes bouquins, viens père.